On est à Rouen et là je suis avec la manif vient de démarrer à Rouen. Il y a un peu moins de monde que la dernière fois, mais bon. Un petit peu, mais il y a du monde quand même. Voilà, donc vous entendez la voix de Guillaume qui est de Sud Santé Sociaux et qui va vous. Je passe la parole, il va vous expliquer pourquoi il est là et pourquoi il continue à se mobiliser depuis un mois. Oui, je suis toujours mobilisé depuis un mois, depuis plusieurs mois, puisqu'il était important que le gouvernement entende que cette réforme, on n'en veut pas. C'est une réforme qui va aux antipodes des réformes sociales qu'on a établies. Ils veulent l'universalité, mais en fait, ils ne font que baisser les pensions des faibles salaires, de fragmenter un petit peu plus les plus impactés, notamment dans le domaine de la santé. On sait que il y a beaucoup de femmes qui sont dans le domaine de la santé et on sait qu'elles vont être énormément impactées par ces réformes puisque c'est des carrières morcelées et que la réforme par points est impossible à mettre en place de cette façon sans d'une grosse perte de pension pour le personnel hospitalier. Et toi, tu es à l'hôpital de Rouen, le CHU Charles-Nicolle. Tu peux parler de la situation à Charles-Nicolle ? Eh bien, alors la situation à Charles-Nicolle est extrêmement complexe, puisque au-delà de la réforme des retraites, donc qui va impacter beaucoup de personnel, on a aussi une privatisation du service public qui est en train de se mettre en place, qui continue. Nous, là, actuellement, ce sont les ASH, donc les personnels qui font le ménage, qui vont commencer. Et là, ça commence à être externalisé sur les parties qu'on dit communes, c'est-à-dire là où le public est accueilli, mais petit à petit, le but, c'est d'aller dans les chambres même du patient et d'externaliser dans la chambre même du patient. Merci beaucoup, Guillaume, et bonne manif. Merci à vous. Je vous rends l'antenne, les Montreuillois, et puis je vous rappelle plus tard. Assez de combat pour la France d'en bas, retrait, qui croise bien Macron, assez de cadeaux pour la France d'en haut.